Ado achureo, ado achureo, baralayiki ado achureo. Ado achureo, ado achureo, baralayiki ado achureo. Ado achureo, ado achureo, baralayiki ado achureo. Ado achureo, ado achureo, baralayiki ado achureo. Wolo ye tu tu mabi, wolo wolo ye tu tu mabi, omoni alagbana koma ma kenyira wo, Wolo wolo ye tu tu mabi, wolo wolo ye tu tu mabi, omoni alagbana mama kenyira wo, Wolo wolo ye tu tu mabi. Wolo wolo ye tu tu mabi, omo ni alagba na ko mama kenyira wo. Wolo wolo ye tu tu mabi, wolo wolo ye tu tu mabi, omo ni alagba na mama kenyira wo. Wolo wolo ye tu tu mabi. Wolo wolo ye tutu mabi omo ni alagba na ko mama kenyira wo. Wolo wolo ye tutu mabi, wolo wolo ye tutu mabi, omo ni alagba na mama kenyira wo.